Un lit, des caresses au beau milieu de la nuit, c'est ce que j'ai besoin pour écrire un texte. Écrire ce qui me blesse, apaiser mon stress. Une main en manuque, une sur mes fesses, mon crayon est prêt, puis de défaite. Yo, je te souhaite bonne chance si tu veux tester celui qui représente le monde, ma stress. Des filles, j'en connais, j'en fréquente, j'en enjambe, j'en raconte, j'en démonte. J'ai pas honte, je suis pas marié ni fiancé, voilà pourquoi je suis comme ça. Mais dans le fond, j'aimerais rencontrer une fille qui me ferait arrêter, une fille mortelle en jeans, comme en jartelle, en coton, en dentelle. Cherche une fille solide qui a des buts d'envie, pour l'euthanasie. PCSV pour ce beat gigantesque et le double S, brothers passé. Et qui j'apporte le stress de la vie comme une veste anti-ennemie. Peace aux dames qui me laissent des messages, cela me calme. 3390185. Soyez sages, moi je t'adore. Toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore. Toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore. Toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore. Toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Ce qu'on possède, parfois il faut le perdre pour réaliser à quel point on tenait. Et parfois, ce qu'on possède, il faut perdre pour voir à quel point c'était de la merde. Quand on a passé trop de temps avec une personne, on oublie sa personne, on se néglige, s'oblige à plaire, parfois même se taire. Quand plus on vit avec la même personne, plus on voit à quel point les femmes et hommes sont pas faits pour vivre ensemble. Rares sont les couples faits pour être ensemble. Je pense pour ma part et cherche encore. Bah, Casey, arrête donc, t'es con. Ben non, c'est vrai que ça me plaît d'avoir plein d'âmes. Mais si je trouve la bonne dame, moi, chill, je sais que cette femme pour vitam éternam. Hey yo, lâche les armes. Mais yo, Casey, test. Chill G pour aujourd'hui. J'aimerais vivre une journée dans le calme, paix sur Paname et aux âmes de mal. Crosekin et Anthony Griffin. Peace. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Check ben, je connais un gars qui avait une dame qui aurait été là pour lui pour vitam aeternam. Mais il a trompé tout le temps, oui il se trompait tout le temps. Anyway, bang à gauche, bang à droite, t'es blanche, noire, métisse, rousse, ouf. Pourquoi pas, mais après 10 ans et des dizaines d'avertissements, il a dit, yo c'est moi ou eux. Faut que tu sois honnête, sois net, comme clean, on va être heureux. La fille était trop mine, mais lui, mine de rien, il a laissé le crétin. Il est parti avec ses souvenirs, l'a laissé là à souffrir. Lui à s'offrir, à qui veut bien lui sourire. Il veut pas le dire, il a toujours le sourire. Mais je suis sûr pour sûr qu'un jour il va souffrir. Pour ma part, je suis pas un ange, mais j'espère que Dieu va me donner la sagesse. La voir cette femme, quand elle va passer pour ce qu'elle est, pas pour ses fesses. Ce texte me blesse, ma maladresse me rappelle les souvenirs. Une adresse. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Moi je t'adore, toi m'aimes-tu encore? Moi je t'adore. Voilà.